Je sais pas si nos auditeurs nous voient sur le Facebook Live. Si vous nous voyez, faites-nous signe parce que moi j'ai une question. Je sais pas pour vous, mais Thibaut a un bonnet vissé sur la tête alors qu'il fait 30 degrés dans le studio. Est-ce que tu veux qu'on en parle, Thibaut ? Oui, alors on va en parler, vous inquiétez pas. Hein. C'est en fait, cette semaine, j'ai eu froid. Attention, hein. C'est pas encore l'hiver, non, l'hiver viendra frapper à notre porte ce mercredi, là, le 21 décembre. Alors, quand l'hiver frappe à notre porte, hein, c'est pas pour nous vendre le calendrier des saints. Alors, dommage. Saint, voilà, saint, vous l'écrivez comme vous voulez. Hein, voilà, c'est ça. En fonction de vos convictions catholiques ou pornographiques. Alors, moi je déteste l'hiver. Hein. L'hiver, il fait un froid de canard, on a la chair de poule, un nez de poisson rouge avec une limace qui pend au bout, des joues couleur cul de babouin, des yeux de lapin albinos. Non, vraiment. Si vous aimez l'hiver, c'est vraiment que vous aimez les animaux. Hein. Pourtant, ça se joue à rien l'hiver. Hein. Tiens, on changerait 4 lettres à froid, ça ferait chaud. C'est vrai. En plus, quand il fait froid, tu renifles tout le temps. Bon, un mec comme Pete Doherty, ça le dérange pas. Hein. Toute l'année, il renifle de la poudreuse. Oh là là. Oh, ça balance aujourd'hui. Ouais. Alors justement, moi, je préférais l'hiver quand il neigeait, hein, quand j'étais gamin. Maintenant, il neige plus. Hein. Et je vais vous dire, hein, l'hiver n'est plus ce qu'il était. Oh, oh, pas mal. Moi, ça me fait pleurer, ouais, là. Oui, il neigeait et le car scolaire ne passait pas. Et c'est pas mon père qui allait m'amener à l'école. Hein. Bon, déjà parce qu'il était pas habillé. Et parce qu'il fallait, mettre les chaînes à neige sur les pneus. Sans déconner. Vous avez déjà vu mon père mettre les chaînes à neige? Bah non, non, on n'habite pas chez toi. Bah moi, pas ton père. Moi non plus. Il écoute, attention. Et quand, papa. Et quand j'étais petit, moi je faisais des batailles de neige. Hein. Vous aussi, vous avez déjà fait des batailles de neige? Je n'ai pas eu d'enfance. Moi, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas fait de bataille de neige. Hein. Bon, en même temps, la dernière fois, ça s'est plutôt mal passé. Oui, parce que moi, je triche pendant les batailles de neige. En fait, je mets dans les boules. Un caillou. Voilà, dans les boules de neige, je mets des pierres. Et quand, ouais. Et quand tu vises, la nuque, oui, parce que j'attaque par derrière aussi. Ah bah oui, alors là. Et bien, derrière avec un caillou. Ça fait mal à la personne, hein, ça la fait même mourir. Hein, Donc voilà, au passage, je salue la famille de Vincent. Oh. Oui, à l'époque, ce fait divers a jeté un froid. Alors, pensez, chers auditeurs, à vous couvrir. La grippe est là, hein, et toujours cette fidèle gastro. Oh. Et puis elle est tenace cette année. Hein. Bah regardez, Floriane, notre chroniqueuse, n'est toujours pas revenue. Hein. Bon, en cette fin d'après-midi, on va essayer de vous réchauffer. Je vous propose qu'on fasse le show. Ouais.